savoir. Au nom du désespoir, la seule issue survivre, c'est le courage de roi. Désespoir, désespoir, j'acquiers l'espoir. Oh, oui, femme, trouve ton humanité. Oh, femme, trouve ta dignité. Non, non, non, non, désespoir, non, non, désespoir, non, non, non, non, non, oui, j'acquiers l'espoir. De la peur pour exister. Non, non, non, non, désespoir, fais-lui jaillir l'espoir. Oh, femme, trouve ton humanité. Oh, femme, trouve ta dignité. Yeah, yeah. Non, non, non, désespoir, fais-lui jaillir l'espoir. Femme, trouve ton humanité. Oh, oh, oh, femme, trouve ta dignité. Yeah.